se noie tous les jours à la télévision, les nouvelles pagaient. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vie. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris. Mes yeux dans tes applis, baby. Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes mercredi, 10h. Et aujourd'hui, pour une heure, c'est l'émission des Jones. Merci Régine. Tout le monde va bien ? Oui ! Donc, on va se présenter un petit coup, là. Qui est à côté de moi, à ma droite ? Comment tu t'appelles ? Gabriel. Merci. Nicolas. Oui. En technique. Zinedine. Oui, tu es avec qui, Zinedine ? C'est qui ? Bah, tu peux dire peut-être cri-cri, comme tu dis à Christopher. Oh oui. Hein, si tu as du mal à dire Christopher. Oui. Tu essayes ? Essaye de dire Christopher. Non. Oui, et l'autre côté, c'est qui ? Ah oui ? C'est comme elle est mieux, Zinedine. Chut. Comment elle s'appelle, la dame, là ? Marion. Marion. Marion qui est dans un état. Christopher qui est enfin, mais Marion elle est en plein dedans. Ils ont l'air bien malades. Hein. Bon. Zinedine, cache-toi. T'as pris un masque ce matin ? Allez, ensuite. Christopher. Oui. Régine. Voilà, bonjour, je m'appelle Camille. Voilà, et Corinne. Donc c'est bon, on peut démarrer ? Oui. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois quelle était la chanson Mystère ? Pour Justine. Oui, elle était dédicacée à Justine. Bonsoir. Non. Merci. C'était qui ? Voilà, une amnésie générale. Renaud ? Non, c'était pas Renaud. Ah, Renaud, ouais. En cloque. Pourtant, elle n'était pas difficile, la chanson-là. Non. Voilà. Alors aujourd'hui, on va la passer tout de suite. Il y en a une nouvelle qui a été choisie par Christopher. Donc, chut, et on écoute. Paniquez pas. Thank you. crois que quelqu'un va trouver? Oui. Ça va, vous avez pas eu trop peur? Non. La caca dit oui, c'est Gabriel. Oui. Gabriel, tu avais peur? Oui. Oh, c'est bon, faut pas flipper, hein. Tant qu'elle a pas de clown derrière, hein. En plus, la musique que tu as choisie, elle introduit très bien ton sujet qui vient après. Mais avant ça, on voulait dire que à la dernière émission, tu avais parlé de quelque chose et il y avait quelques erreurs quand même. Donc il faut quand même rectifier, hein, et ne pas induire les auditeurs en erreur. Hein. Alors c'était quoi, Christopher? Le drone, là, vous avez dit, on pouvait mettre une personne dedans, c'est une fake news. Voilà, on ne peut pas mettre quelqu'un dedans. J'ai mal compris, hein. Voilà, et puis il servait à quoi déjà ce drone? Pour les militaires, pour secourir aussi. Oui, un drone militaire, il sert à accompagner les avions en vol. Et puis aussi, il a des missions de surveillance. Voilà. Bon, allez, on a rattrapé le coup. Hein. Alors, la musique, elle intronisait quel sujet? La zone 51. La zone 51. Quoi? Attends, alors, Gabriel, ça, c'est le sujet Christopher, donc il va raconter aux auditeurs... Hein. Ce qu'il a entendu sur la zone 51. D'accord? Ah, sur Internet. D'accord, Gabriel? Oui. Bon? Vas-y. En fait, la zone 51, c'est aux États-Unis, c'est dans le Nevada. Et là, il y a des ovnis là-bas. Ils ont fait des avions expérimentaux. Ils ont fait des avions... Expérimentaux. Oui. Des avions top secret, apparemment. C'est top secret? Ouais, c'est ce qu'ils disent à Internet. Oui, non, mais je te pose des questions, moi. La zone, déjà, elle est top secret. Hein. Ouais, mais tout le monde sait où elle est. Oui, elle sait où elle est, mais on n'a jamais été dedans. On peut pas. T'as déjà été, toi? Est-ce que tu as vu sur Internet des gens qui étaient déjà rentrés? Non, j'y arrivais même pas. Ça se fait surveiller très... Alors, pourquoi aujourd'hui, là, tu nous parles de la zone 51? Qu'est-ce qui s'est passé? Le 27 septembre, il y avait des gens qui sont allés manifester devant. Dans la 51. Oui. C'est pas beaucoup, hein. Oui, bah, ça fait rien. Et même s'ils étaient qu'une poignée, il y avait les manifestations devant. Pourquoi? Parce que c'était à propos d'un... C'était un mec qui voulait faire une... Il avait dit sur un réseau social, là. Oui. Oui, tous étaient devant la 51. Et en fait, c'était le mec... Après, il a dit que c'était une blague. Après, il a dit c'était une blague, après... C'était pas une blague. Il mais si, le mec, après, il a dit c'était une blague. Quoi, l'appel à manifester? Oui. Ouais, j'ai vu ça sur Internet, hein. Le mec, il a dit c'était une blague. Ah. Bon, il y a quand même eu du monde qui a été manifesté. Oui, une petite poignée, cochon. Ça fait rien, même si c'était 100, ils sont allés, hein. Ils manifestaient contre quoi? La zone 51. Pour dire quoi, alors? Parce qu'ils avaient marqué qu'il y avait des essais top secrets. Contre les essais, alors? Ouais, militaires? Ouais. Parce qu'ils voudraient savoir ce qu'il y a dedans. Hein? Alors, toi, t'as déjà une idée de ce qu'il y a dedans. Hein? Vas-y, raconte-nous. Vous avez peur que tout le monde se foute de ma figure? Bah, non. Non, on va pas se moquer de toi. Les aliens? Les aliens. Ah, t'avais dit autre chose, là. Des volantes. Des ovnis, oui. Toi, tu penses qu'il y a des objets comme ça, des êtres venus d'une autre planète qui sont cachés dans la zone 51. Oui. Après, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas été. Hein? En tout cas, tout ce qui se passe là, c'est... Top secret. Top secret. Hein? Bon, j'ai bien aller dedans, moi. T'aimerais bien faire une émission dedans, une émission de Radio Gémozo. Ah oui, alors ça, c'était aussi l'idée, Christopher. Y aller avec Radio Gémozo et rentrer dans la zone 51 pour interviewer tout le monde, là, sur ce qu'ils font. Alors j'ai dit, bon... Ça arrive bien quand même, hein. C'est peut-être même pas la peine de se déplacer, Christopher. Bah, si personne n'y rentre, nous, on n'y rentrera pas plus. Bah hein. Si, on écrit un truc spécial. Ah, c'est un flash spécial, alors. Un reportage ouais. Radio Gémozo. Spécial français. Mais c'est bien, t'as des idées, quand même. Hein. Moi, j'écrirai une lettre. Je vous dis que j'écrirai une lettre. Oui. Comme tu as fait pour qui? Macron. Emmanuel Macron. Et là, je vous promets, j'écrirai une lettre. Tu crois qu'il va te répondre? Peut-être. Peut-être pas. Et les autres, est-ce que vous avez entendu parler de la zone 51? Non. Non. Non. Non. Zinedine? Non. Non. Mais pas sur Internet. Bah, aux infos, si, ils en avaient non, parlé un peu. Parler. Si, si. Rapidement, mais ils en ont parlé aussi. Ah oui. Mmh. La musique. Alors, c'est bon pour la zone 51 ? Oui. Ouais. Et bien après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On est dans les infos, là, en ce moment. Vas-y. J'ai plus, là. Tu nous as dit qu'il s'était passé quelque chose à Paris. Ah oui, le record, là, que ils ont visité le Louvre. Pas le Louvre. Non. Un autre. Le musée. C'était où, exactement ? Ah, c'est plus... J'ai vu tout à l'heure sur... La Villette. Une exposition. Ah, exposition, oui, c'est ça. C'est pas un musée, c'est une exposition. Exposition au Louvre. De Toutankhamon. C'était à la Villette. Toutankhamon, ouais. Record d'entrée. 1,4 million de visiteurs. C'était l'exposition la plus visitée de l'histoire de France. C'est fou, hein, quand même, hein. Après, c'est vrai que c'est mystérieux aussi, hein, tout en Camon, les pyramides, les pharaons. Hein, c'est intéressant tout ça. Hein. Oui. Non ? Oui, oui, oui. Bon, plouf. Ça va, Gabrielle ? Oui. Tu tousses ? Elle est FRP maintenant ? Oui, ça y est, c'est fini. Oui. Vous avez été la voir ? Non. Maintenant, c'est parti à Londres maintenant. Moi, je l'ai vu. C'est tout, toi. Ah, vous y êtes allé ? Oui. Ah, à l'origine, c'était comment ? Ah, c'était absolument magnifique. Oui. Ben, parce qu'on rentre, on est comme dans un tombeau. On rentre dans le noir et on attend un peu avant que les portes s'ouvrent sur l'exposition. Et alors, c'est très bien exposé. Il y a des belles lumières. Il y a des belles explications. C'est magnifique. Mmh. Et on finit par le tombeau de Toutankhamon. Moi, je connais tout ça, ça vous. Ouais, pas ça son doit cercueil, être, quoi. Ça doit être magnifique, oui. Moi, je connais ça vous, tout ça. Combien ça vaut ? Ouais. Quoi, le tombeau, tout ça ? Oui. Je sais pas, on n'a pas de chiffres. Vous avez des chiffres, vous, Régine ? Oh non. Virgule. Virgule. C'est important, ce que ça vaut ? Non. Qu'est-ce qui est important quand on L'histoire. Voit une exposition ? L'histoire. L'histoire, oui. Ça aide à comprendre aussi, des fois. Oui. Vous pensez que c'était bien de vivre au temps des pharaons ? Ah oui. Tout en Camon ? Non. Ouais, qu'est-ce qui devait être bien ? Marcher pieds nus. Ah, c'est marcher pieds nus. Ah. Non. Ben non. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi ? C'est pas bien pour toi. Parce que c'est chaud. Hein. Parce qu'il fait chaud. Oh, c'est bon, tu t'habitues à la chaleur. Hein. Bon. Et c'est quel pays ? L'Afrique. Non, l'Afrique, nous. Alors, quel pays ? Égypte. L'Égypte. Marion, Christopher, vous n'êtes pas allé ? Non. Non. C'est vrai qu'à Paris, il se passe plein de choses. Et puis, à la rigueur, on pourrait y être tout le temps, hein, pour voir tout ce qu'il y a à voir. Mais dès l'instant qu'on se déplace, ça coûte. Eh bien, oui, c'est ça. Nicolas, tu veux bien laisser le micro. Merci. Voilà. C'est bon pour l'expo ? Oui. Oui. L'expo qui coûte cher pour Christopher. Mais quoi, quand tu te dis ça coûte 1000 euros, hein, quand tu vas à l'hôtel. Mais à l'hôtel, ça coûte cher, hein. Oh, t'es toujours dans les tarifs. Hein. Or, 1000 euros. Ça coûte cher. C'est déjà l'hôtel classe, hein. 1000 euros la nuit. Et la nourriture aussi, j'ai déjà monté. Alors, le sujet suivant, c'était Zinedine. Mmh. Alors, tu enlèves les mains de devant ta bouche, tu vas parler dans le micro. Tu nous avais parlé de quoi ? Le volet, enlève les mains de devant ta bouche. Oui. Voilà. Le volet, oui. Tu nous as dit qu'il y avait eu du volet. Oui. Ouais. Alors, c'était qui contre qui ? Attends, laisse-le réfléchir. C'est qui ? Tu dis ? C'était la France. Oh oui, faut. Contre qui ? Alors Zinedine, il a été très astucieux lundi à la préparation, parce qu'il n'arrivait pas à dire c'était contre qui. Il a été montré le drapeau. Oh, ça c'est bien. La France. C'est bien, Zinedine. C'était un drapeau bizarre en plus. Donc c'était contre qui? Orangien. Irlandais. Irlandais. Non, c'était l'Italie. Non, c'était Irlandais. Ah, c'est une Hongrie. Si, il nous avait montré Zinedine. La Finlande. La Finlande. Je crois que c'était l'Italie. C'est ça, Zinedine? Oui. C'est ça, Marion? Oui, mais depuis, il y a eu le quart de finale hier soir. Ah oui, mais toi, nous, on prépare le lundi, alors... C'est ça, c'était contre la Finlande où ils ont gagné, et hier soir, ils ont gagné contre les Italiens. Ouais. Ah, j'ai entendu les infos. Le fou, elle a gagné. Les Italiens, oui. Ils ont battu l'Italie. Mmh, mmh. Ah oui, voilà, mardi, il y avait France-Italie. Mmh. Alors après, aussi, Zinedine, il avait parlé d'autre chose. Ouais. De là... Sécheresse. Ah oui, ça. Voilà. Alors, tu as dit quoi? Oui, des plutôt. Il y a de l'eau, oui. Tombe de l'eau. Beaucoup? Non. Non. Et puis, pourquoi c'est bien? Quoi? Pourquoi c'est... Comment? Enlève la main de devant ta bouche, qu'on comprend pas. Pourquoi c'est bien qu'il pleuve? J'ai besoin de pluie. On a besoin de pluie, oui, Zinedine. Mais pourquoi? De tout. L'eau va remonter, c'est ça que tu dis? Oui, des bouées. Oui, mais pourquoi c'est bien? Des besoins. Oui, il y a des besoins. Des puf, quoi? Qu'est-ce qui était sec dehors? Ah oui. Nicolas, tu peux l'aider? Les plantes. Les plantes, ah, ouais. Bon, oui. Toute les la arbres. Végétation, Zinedine. Ouais. Les arbres aussi, hein. Oui. Des arbres, oui. Donc tout va redevenir vert. Voilà. Comme avant. Ah, voilà. La fraîcheur. Et qui c'est qui va être content aussi? Les plantes. Oui, les plantes. Les agriculteurs. Les agriculteurs, pourquoi? Pour les animaux, les vaches, tout ça. Bah oui, parce que l'herbe, elle va repousser. Hein, Zinedine? Oui. Bah oui, hein. Ah, du bon lait. Aussi, c'est pour l'eau. Bon, eh ben, il faut que ça pleuve encore un petit peu, hein, quand même. Hein. Non. Encore beaucoup. Hein. Bah si, Gabriel. Beau. Toi, toi, tu veux qu'il fasse beau. Non, qu'il pleuve. Gabriel. Parce que attends, beau, c'est attends, chaud. Tu veux bien laisser parler, Gabriel? Enlève la main. Toi, tu préfères qu'il fasse beau? Allez, d'amour. Oui, oui. Merci. T'aimes pas la pluie? Non, il joue au ballon, moi. Ah bah oui, quand il fait beau, on peut jouer au ballon dehors. Quand il pleut. Ah oui. Bah alors, qu'est-ce que tu fais quand il pleut, Gabriel? Je joue à clé. Tu joues avec quoi? À clé. Avec Claire. Avec Claire? Oui. C'est qui, Claire? Claire. Oui, mais elle est où, Claire? À me. Ah, la sœur à Nicolas? Ah oui, oui, mais quand tu es chez toi, quand il fait pas beau, tu fais quoi? Dessin. Tu veux bien enlever les mains de devant ta bouche? Dessin. Tu fais des dessins? Oui. Ok. Et tu fais autre chose encore? Aider papa. Tu aides papa, ok. Oui. Alors tu aides papa à faire quoi? À manger. À manger? Ah, alors qu'est-ce que tu sais faire de bon? Poulet. Le poulet? Ah ben ça c'est bon. Des frites. Ah, des frites. Ouais, et puis quoi encore, Gabriel? Patates. Les patates. Ça me donne faim. Et puis Une salade. De la salade. Ok, alors tu sais faire la vinaigrette? Oui. Oui, alors qu'est-ce qu'on met? Et m'allonger. Oui, mais on met quoi dans le plat? À sauce. Non, on met quoi dans le plat pour faire la vinaigrette? À salade. Non, on met... Du sel. Du sel. Pois. À sauce. Moutarde. Une lime. Du vinaigre. Non? Ah, tu mets pas de vinaigre, toi? Ah, bah oui, il y en a qui en mettent pas. Hein. La moutarde, oui, ça. Bah oui, mais il y en a qui mettent pas de vinaigre. Régine, vous mettez du vinaigre? Ah oui. Ah oui. Bah il y en a qui en mettent pas. Moi. Papa, il en met pas. Si. Ah bah alors. Puis après, tu mélanges tout. C'est bizarre, c'est sûr. Ouais. Bah, t'as un chef alors, Gabriel? Tout seul. La cuisine, ça t'intéresse? Oui. C'est super. Est-ce que j'ai tombé? Bon, alors on a un peu dévié, hein, parce qu'on était dans les infos. Musique. Ah, tu veux ta musique? Il n'est pas l'heure encore. Hein. Nicolas, s'il te plaît. Il n'est pas l'heure. Mais ça fait rien, on continuera le reste après. Hein. Alors, Gabriel, tu as choisi une chanson. Alors, tes parents, ils l'ont écrit pour toi dans ton cahier en disant que tu aimais bien cette chanson. Ah, c'est les Gardiens de la Galaxie, là. J'aurais aimé que ce soit Gabriel qui le dise. Bien musique. Oui, mais c'est quoi? C'est les... Je l'ai dit en plus. Les gardiens... Gardiens de la... De la galaxie. Oui. Alors, moi, j'étais voir un petit peu sur Internet. C'est un film. De quoi elle parlait, ta chanson? Mais c'est une chanson d'amour. C'est un film. Parole et traduction. Suis un peu curieuse. Il faut aller voir ce qu'il raconte, tu vois. C'est un film. Non, c'est un musique. Oui, mais oui, c'est le générique d'un film. Mais le générique, c'est une chanson avec des mots d'amour. Ah, Gabriel, on l'écoute? Oui. Eh ben, allez. Si Christopher peut nous la mettre. Ouka chaka, ouka, ouka, ouka chaka, ouka, ouka, ouka chaka, ouka, ouka, ouka chaka, ouka, ouka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. The good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Voilà, c'était la musique de Gabriel. Tu es content? Oui. Ouais. Les gardiens de la galaxie, voilà. Donc, on poursuit. Alors, Camille, tu nous avais quelques petites infos aussi. Médiator. Le Médiator. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Médiator? Un médicament qui a tué les gens. Qui a tué des gens, oui. Et les médecins sont français. Sont trompés. Sont trompés. Il aura un procès au tribunal. Au tribunal. Il est commencé d'ailleurs le procès. Oui, depuis lundi. Voilà, ça risque de durer longtemps. Hein. Un an. Ouais. 6 mois, ils disent. Oh. Pas un an. 6 mois, c'est déjà pas mal. Hein. 6 mois, c'est déjà beaucoup. Il y a, je ne sais plus combien de personnes déjà touchées. Il y a énormément de personnes touchées, oui, je crois. Voilà. Ben oui, oui. Tu peux nous dire autre chose hein, sur le médiator. Le médiator. Donc c'était le laboratoire Servier hein, qui distribue ce médicament. Et puis quoi? Pourquoi il est dangereux le médicament là? Est-ce qu'il y en a qui savent? C'est-il... C'est quoi ça? Dit-il... mort? Oui, le médicament a tué des personnes, oui. Nicolas. Et c'est du poison, hein. Oh, bah, s'il le donnait en médicament, à la base, c'était pas du poison. C'était du poison. Du coup, pourquoi ils ont mis de la seigneur dedans? Et Christopher. C'était pour soigner, mais ça veut dire quoi, du poison? En quoi il a tué les gens? Est-ce que tu en sais quelque chose? Ça cause du médicament, là. Oui. Que t'es fabriqué. Tu as pas demandé? Non. Et toi, Christopher, tu sais pas? Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, un médicament. C'est fait avec quoi, un médicament? C'est pas un pharmacien, mais je peux pas te dire. C'est quoi? Si c'est pas pharmacien, je peux pas te le dire. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il est pas pharmacien, c'est bien. Je peux pas te le dire. C'est bien, Christopher. Donc, c'est des molécules chimiques, on peut dire ça. Comme les glyphosates. Ah, le glyphosate, c'est pas un médicament. Si tu mets ton médicament, c'est un peu ça. Ah non, faut pas mélanger. Les gens, ils croyaient qu'ils se soignaient. Et en fait, comme tu dis, Nicolas, ils s'empoisonnaient un peu. Donc ça touchait le cœur. Voilà. Et comme ils étaient fragiles, bon, ils pouvaient mourir. Donc c'est un très gros procès. Hein. Tu veux mon... Non. Bah même Zinedine, il le fait. Non, Zinedine, écoute ça. Ton point est Bakani, gros procès. Date ça au moins, un pouce. Hein. Oh bah non, pas le pouce non plus. Hein. Un doudou. Le pouce. Non, pas après, tu en as parlé comme moi après. Hein. Qui Alors, vas-y, on va pas s'étaler, oui, puisque justement le procès vient de commencer. Alors, la deuxième. Oui, vas-y. Une compagne de avion. Compagnie. Compagnie de avion va fermer car elles n'ont plus de sous. Pour rentrer. Plus de sous. Pour rentrer. Compagnie, on dit comme ça. Oui, Thomas Cook. Compagnie en Angleterre. Oui. En Angleterre. Partout dans le monde. Et d'ailleurs, je crois que c'est fini. Bateau. Oui. Hein? C'est encore même les bateaux. Autre chose, la compagnie d'aviation, c'est encore bateau. Une autre. XXL, peut-être, non? Oui, quelque chose comme ça. Je ne la connaissais pas, moi, mais... Bah là, c'est pareil, je pense que... Oui, c'est deux choses qui font faillite. On n'a plus de sous, tu avais raison de dire ça. Et toi aussi. Bateau. Allez. On fait faillite, oui. Alors, à votre avis, pourquoi des compagnies d'avions peuvent faire faillite? Parce qu'ils peuvent partir de la France en Angleterre et après pour revenir. Hein. Ah, parce qu'ils peuvent... Non, s'il te plaît. Ils ne pourront plus rentrer parce qu'ils n'auront plus de sous pour le retour. Ah, tu veux dire que les gens qui sont partis, ils n'ont plus de sous. Pas rentrer parce qu'ils n'ont plus de sous? Non, ils n'auront plus les de sous pour rentrer. Les gens ou la compagnie? Des gens, hein. Les gens. Oui, mais les gens, ils ont payé leur voyage, Nicolas. D'après, mais pour rentrer, mais ils ne pourront plus. Bah oui. Hein? Pour rentrer. Hein. Alors, comment ça va se passer, là, pour que les gens y rentrent? Faut faire appel à de l'aide. Hein. Oui. Oui. À qui, Nicolas? Au secours. Au secours. Mais non, ils n'ont pas notre avion. Ils ne sont pas blessés, Nicolas. Non. Vous n'avez pas entendu à qui ils allaient faire appel? Non. Bah, à l'État, déjà. Hein. Oui, aux assurances. Aussi. Nicolas, tu veux dire que quand on part en vacances, il faut aussi prévoir... Plein de sous. L'argent pour revenir. Hein? Le problème, c'est que là, il y a des personnes qui ont payé le voyage aller-retour, et en plus l'hébergement et tout ça, et puis bah, qui sont coincés où ils sont. puisque les avions ne décollent plus. Oui, Christophe. C'est quoi, elle ferme l'agence parce qu'elle faisait des prix en bas. Des prix trop bas. Trop bas. C'est pour ça qu'ils vont fermer, Nicolas. Les vols low cost, ça veut dire pas cher du tout. Mais en même temps, sur des grands trajets, ils s'y retrouvent pas, quoi, au niveau des frais. Ils peuvent aller sur l'autoroute, hein. Sur l'autoroute. Bah oui. Les avions, ils vont sur l'autoroute. Non. Bah, explique, Nicolas, tu parles de quoi? Les voitures, hein. Ceux qui partent en voyage, là. Mais tu traverses l'océan en voiture? Non. À couler ta voiture. Et puis, ce serait beaucoup trop long. C'est sûr, tu peux aller par bateau, tu mets ta voiture sur un bateau. Ou sur l'autoroute, hein. Si tu vas à l'autre bout du monde, il te faut combien de mois pour y aller? Tu te rends compte, c'est long. 6 mois. 8 mois. Donc 9 mois. La faillite. Faillite, ouais. Ah, c'est parti au chômage. Camille, tu as vu ça à la télévision? Non. La compagnie d'aviation qui fait faillite, qui a plus de sous. Tu as vu ça où? Oh bah non, Camille, rapproche-toi de ton micro déjà. Oui. Qui c'est qui t'a parlé de ça? Emmanuel. Emmanuel t'a apporté les infos tout cru. C'est secret. Hein. C'est pour ça que je le redis encore aujourd'hui, que je vous invite à regarder les infos. Mais j'ai pas regardé hier. Non, mais au moins le week-end, puisqu'on prépare l'émission le lundi. Moi, je suis au lit des fois. Les infos du dimanche. Oui, ben c'est bien. Aussi de lundi, aussi de matin. Des fois, moi, vous savez un peu ce qui se passe. Des fois, je me couche tôt. France, hein. C'est dans le monde. Des fois, je me couche tôt. Tu te couches tôt? Bah oui, hier. Mais j'ai couché tôt. Après, les infos, tu peux aussi écouter la radio à midi. Hein. T'as les infos aussi, hein. C'est pas forcément la télé non plus. Mais si, la télé, il faut mettre la foi. Hein. Oui, disons que c'est peut-être plus facile à comprendre pour vous parce qu'il y a des images. Et pour expliquer, c'est dur. Hein. Donc, Camille, tu n'avais pas regardé. C'est quelqu'un qui t'a dit. C'est la radio. Ah oui, d'accord. T'es maligne, hein, finalement. Hein. Elle est maligne, Camille. On passe à une autre info. C'était Zinedine aussi. Oui. Je sais plus si c'était Zinedine d'ailleurs, hein, vous allez me le dire. Cool. Qui avait parlé de la Coupe du Monde de rugby. Qui c'est qui en avait parlé? Zinedine. Moi aussi, c'était ouais. Moi un peu. Alors, attends, tu avais dit que c'était où? Ici. En Chine. Non, Nicolas. Va-t'en. Nicolas. Va-t'en, ça. Au Japon, oui. Au Japon, oui. Et tu avais dit quoi? Le fond. La France. Oui, c'est peut-être le mot qui est un peu dur. Qualifié, c'est ça? Oui. Oui, la France est qualifiée. Oui. Contre des... Elle a beaucoup de matchs aussi, Corinne. Comment? Elle a beaucoup de matchs aussi. Le match. Ah bah oui. Ouais. Comme le week-end. Hein. Après, ça, c'était les infos, on en était à lundi, hein. Depuis, je ne sais pas s'il y a eu... Non, voilà, heureusement, Marion est là, parce que... Voilà, il n'y a pas eu de choses particulières depuis. Par contre, moi, je vous avais posé une question, parce que ça, on a entendu parler aussi à la télévision, à la radio. Oui. La prochaine Coupe du Monde de foot, ce sera où? Ce sera en... En Arabie Saoudite. En 2020. En Arabie Saoudite? Oui, tu avais dit ça. Parce que tu as dit que tu as des techniques. Parce c'est, que... Non, c'est... Ce oui, on 2020. Peut dire ça, mais c'est plus précisément au 14. Ça sera en 2020, là. En 2022. 22. Et puis, par contre, je vous avais dit un petit truc qui était particulier au stade-là. Hein? C'est quoi? Qui est climatisé? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il est climatisé. Il est climatisé. C'est quand même rare. Non, mais... Le stade climatisé. Le toit... Le toit fermé. Oui, le toit, ça fait comme une coque... Comme une coque, comment on l'a vu? Un coquillage, je sais pas quoi, mais... On voit des fois. Un très beau stade, hein. On voit des fois. C'est des millions de là-bas. Ben, parce qu'il fait très chaud là-bas aussi. Ben oui. Donc, 2022, rendez-vous pour la Coupe du Monde de foot. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Ah, moi, j'ai vraiment... Il y a des fans. Ah, moi, j'ai vraiment... C'est rare. Ah ouais. Mais c'est loin. C'est prêt, Christopher. Tu prends l'avion. Après, pour rentrer, tu peux pas. Après, hop, tu prends. Ouais. Pour rentrer, tu prends pas. Il faut un passeport, crie. Bouilleur. C'est vrai en plus. Oh, c'est bon. Il faut un passeport. C'est bon, c'est bon. Oui. Allez, on continue, on avance. Qui a parlé de la manifestation des Gilets jaunes et de la marche pour le climat? Nicolas, vas-y, raconte-nous. Gilets jaunes. Alors, c'était ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils manifestent. Oui, ils ont manifesté et puis... Christopher, tu as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à la manifestation, là? Les casseurs. Oui. Et puis alors, je t'ai dit, on appelle ça comment? Les inscripteurs. Des quoi? Pour les gilets jaunes. J'ai pas compris ce que tu as dit. Ils s'incrusent dans les gilets jaunes. Oui, mais comment ils s'appellent? Les casseurs. Non, c'est un autre nom. Ah, c'est pas moi. Les crameurs. Les crameurs. Non, c'est pas les ça. Les fouteurs de bazar. Les Oui, Régine, elle sait, tu vois. Donc, les... Vous avez dû entendre ce mot. Les... Incrusteurs. Oui. Agriculteurs. Non, les incrusteurs. Les incrusteurs. C'est joli, ça. Oui. Le qui... Ah, alors Zinedine, il nous fait un geste. Mais oui. C'est bien. C'est la barrière, là, tout ce qu'il raconte, là. Des Gabriel, il lance. Non. Non, Camille. Le jaune, c'est... Le jaune. Les jeunes, ils lancent. Comment ils les appellent? Les. Black. Black. Blocophone. Blocophone. Non, blocophone. Blocophone. Black cassure. Tâche. Black blocks. Black blocks. Alors, ça veut dire quoi en français? Blocks. Comme un bloc. Hein. Traduction. Oui, c'est comme un bloc. Et black, ça veut dire quoi? Blas. C'est en anglais, là. Oui, c'est en anglais. Black. Alors, black, noir. C'est une couleur. Noir. Bien. Oui. Blacker. Ça veut dire bloc noir. Bloc ouais, noir. Dès parce que quand on les regarde en vue du dessus ou je sais pas quoi, on voit comme des gros blocs noirs qui se déplacent. Oh là là. Tu dis bloc. Et c'est les black blocks. Et ils sont souvent ils marchent aussi, en hein. Noir. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent tout. Des tout cassés. Ouais. L'homme de CRS. Hein. Des CRS. Oui, donc CRS peuvent beaucoup de mal. Hein, les CRS, les gendarmes. Ils peuvent rien faire. Hein. C'est quand même pas facile pour eux. Hein. Donc ils peuvent. Et ben, ils peuvent faire un peu au militaire. Hein. Oui, mais est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il y ait des gens comme ça dans les manifestations? Non. Il est bien cassé des trucs. Qu'est-ce que tu dis, Gabriel? Papa. Et ah, son papa, il est à Paris souvent, son papa. Mais Paris, c'est loin. Il est policier pour le samedi. Mais tu sais tout, toi. Comment tu sais ça? Il est policier, il doit aller, lui aussi. Mais c'est loin, Paris. Mais. Bah, écoute. Chut. Christopher. Non, tu vas me payer, toi. Si un jour, ton papa, il veut venir à la radio, Gabriel, il est le bienvenu. Coco, tu es là, des devants. Oui. Non. Ah non, tu veux pas. Non. Bah, vous savez que c'est ouvert ici. Si. Qu'on peut recevoir des parents, des personnes de tous univers, ils sont les bienvenus. Non, moi, non. Non, toi, tu veux pas. Okay. Non, t'as ton papa, Zinedine. Nicolas, t'aimerais qu'on invite non. Non, Camille, tu aimerais qu'on invite Marie? Non. Vous êtes cachotier. Hein, moi, je voudrais bien t'inviter, ma maman. Faut pas aller dans votre papa. Univers. Hein. Papa, tu voudrais? Oui. Ah. Gendarmerie. Quand il fait tous les samedis aux Gilets jaunes. Alors Christophe, arrête. Non. Voilà, bon, c'est bon pour les manifestations, là. Oui. Ok. Alors, avant d'aborder, il est 40. Avant d'aborder, bonne nuit, Zinedine. Zinedine, bye. Avant d'aborder le dernier sujet, on va passer la chanson de Zinedine. Oh, yeah. On écoute, s'il vous plaît. Merci, Zizou. D

ami. Bah, copain, copine et ami, ami. Ami, on se colle. Hein. Alors, on va commencer par Gabriel. Ouf. Gabriel, est-ce que tu as des copains ou copines? Alors, enlève le doigt de ta bouche. Est-ce que tu peux nous dire comment ils s'appellent? Elisa. Elisa? Oui, et puis qui encore? C'est sa sœur. Non, alors, papa, c'est pas un copain. on va éviter de rire, s'il vous plaît. Nicolas. Ton papa, c'est ton papa. Un copain, c'est une personne que tu vois comme ça à l'extérieur. C'est tout. T'as pas de copain, par exemple, près de chez toi, à Liémé. Claire. Alors ça, une copine. Elle est belle. Hein. Et, oh, attention, Nicolas guette. Elle a des beaux yeux. Des yeux tout bleus. Tu as bon goût, Gabriel. C'est mon pote. C'est une pote aussi, alors. Ok. Non, tu parles dans le micro, Gabriel. Et est-ce que tu as d'autres copines? C'est tout. Et les copains? T'en as pas du tout? Non. Tu es un solitaire, toi. Pas Timothée. Nicolas. Timothée, je croyais que c'était ton copain. Un petit bazar. Attends, tu veux bien parler dans le micro? Il fait le bazar. Alors, comment il fait le bazar? Il lance un bout de bois. Il lance des bouts de bois. T'en lances pas, toi? Non. Ah oui. Non, il est pas lancé. Avec un petit sourire en coin. Gabriel. Donc, toi, tu as une copine. C'est clair. Bah, au moins, c'est clair. Voilà. Voilà. De mon pote. Ouais, c'est ta copine et ta pote. Hein, c'est ça? Ok, Gabriel. Alors, Camille. Copain. Toi, tu as des copains. Oui. Tu as des copines aussi. Oui. Ouais. Est-ce que tu as des amis? Déjà, est-ce que vous faites une différence entre copains et amis? Oui. Pour toi, Camille, c'est quoi? Un copain et un ami. Est-ce qu'on fait les mêmes choses? Non. Avec une copine, une amie? Non. Non. Alors, vas-y, dis-moi. Oh, je sais pas. Alors, les copines. Les copains. C'est-à-dire un copain, ça serait des boutons. Copain, c'est... Zaza. Est-ce que tu as des amis? Ou amis? Nicolas, tu passes au tour. Tu as une amie? Oui. Comment elle s'appelle? Juliana. Voilà. Et c'est est-ce bien. Que tu as dit ce matin, Camille, c'était très bien ce que tu as dit. Pourquoi Juliana, c'est ton amie? Je lui fais confiance. Tu lui fais confiance parce que... Je lui fais confiance. Tu peux lui dire des... Des secrets. Des secrets. Mais elle répète pas. Ça, c'est une amie. Voilà, tu as tout à fait compris la différence entre copain et ami. Oui. Hein? Ça, c'est bien, Camille. Moi? Oui. Claire. Oui, Claire, on a compris, Gabriel. Claire, c'est même plus qu'une copine. Ça doit être une amie pour toi. Hein? Tu racontes tout à Claire? Oui. Tous tes petits malheurs, tous tes petits secrets. Tu lui dis tout? Oui, tout. Est-ce qu'elle répète, Claire, ce que oui. tu dis? Ah bon, ah bon. Alors dans ce cas-là, t'es pas une amie. Oui, c'est ta soeur. Si elle joue au loup, moi. Tu joues au loup avec elle? Et... Bon, eh ben on va passer à Nicolas. Parce que... Nicolas. Ne crie pas, Nicolas. Parce qu'on est au micro. Je là. Peux couper ton micro, Nicolas. Non. Moi, on t'entendra pas. Non. Alors là, tu ris là, de ce que les autres y disent. Eh ben, dis-nous la différence. Entre copain-copine et ami-ami. Mais c'est parce que c'est moi. Est-ce que tu as des amis ou amies dans ton entourage? C'est pas forcément à l'IME, hein, ça peut aussi être chez non. toi, à l'extérieur. Non. Tu n'en as pas? Mon gars. Non mais attends, laisse-le parler. Ben il m'en a comme ça. Ben, Vas-y. Christopher. Alors, Christopher, est-ce que c'est un copain? Un copain. Un copain. Ok. J'ai Zinedine aussi. Hein. Zinedine, un copain. Et Camille. Copine. Juliana aussi. Ouais. Mais est-ce que tu as des amis? Non. Non. Et c'est tout, je crois. Donc, par exemple, quand tu es triste, que tu as envie de parler et tout ça, tu le fais avec tes copains ou tu as une personne ou chez toi à qui tu racontes tous tes petits malheurs? Non. Toi, tu racontes rien, tu gardes tout. C'est ça? Tu racontes à tes parents? Non. Non? Alors, tu gardes pour toi quand tu es triste, tu dis rien? Non. Tu ne racontes pas à Christopher? Si, des fois. Ah oui. Comment tu fais pour que ça sorte là? Parce qu'à un moment donné, ça doit déborder là. Quand on accumule et tout. Comment tu fais pour tout sortir? Je sais pas. Tu sais pas? Tu chahutes? Non. Non? Tu te bats? Tu te bagarres? Non, je me bats plus moi. Non? Non, non, mais je me demandais comment tu fais pour encaisser, et puis à un moment donné, il faut que ça ressorte. Et si t'as personne à qui. C'est important d'avoir au moins un ami, ou une amie à qui. Non. Je sais pas. Tu dis à Corinne? Non! Non? C'est pas mon amie Corinne. Hein. Non. C'est mon éduc. C'est ton éduc. Oui, mais tu pourrais lui dire des choses quand tu es triste. Tu peux lui en parler. Mmh. Oui. Mais c'est ça, pas moi. Parce que nous, ça ressort pas. Ah oui? Tu vois? Ben oui, ça sort pas. On est là aussi pour vous écouter, hein. Que vous sachiez. Ouais, bouche cousue. Alors, Christopher. Alors, écoute, t'as entendu la question, moi je veux pas la redire encore de nouveau. Hein. Si. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre un ami et un pote, ça? Entre ami et un copain. Copain, ah ok. Oui. Tempesté. Voilà. Tu peux même relever un peu le micro, Christopher, oui, parce que tu es plus grand, voilà. Oui. Vas-y, on t'écoute. J'ai plein de potes, moi. Oui. Camille, Juliana, Nicolas, Axel, Timothée, Delevan... Non, pas Delevan, non. Ouais. Et chez toi? Non, pas trop. Ou dans la tu tête. Tu habites Oui, un bloc. Oui, et il n'y a pas de copain de ton âge? Non. Non. Zinedine, c'est ton copain? Oui. Ouais. C'est Christopher qui Donc parle. Donc toi, tes copains, tu les trouves à l'IME? Ah oui, ça me dit bien. Ouais. Et le samedi dimanche, tu n'en as pas? Non, je suis tranquille. Et alors, quand tu as des secrets à dire, à qui tu les dis? Axel, parfois. Alors, Axel, est-ce qu'il est fiable? Oui, il est fiable, Axel. Non, mais est-ce qu'il répète pas? Non, rien, Axel. Ouais. Donc, c'est un ami. Voilà. Dis parfois Camille ou Juliana. Puis elle répète pas les filles, là? Non, non, elle déconne bien. Moi, je dis jamais rien. Je dis jamais. Et à ta maman? Non. Tu dis pas des secrets à ta maman? Non. Non. Tu racontes rien. C'est parce que t'as grandi? Non. Bon, je croyais que tu discutais beaucoup avec ta maman. Non. Ah non. Tu lui as pas parlé de... Comment ça s'appelle? Du truc 51, là? Non, on a juste mes vidéos. Ah, elle a vu la vidéo avec toi? Oui. Ah, ben voilà. Non, mais c'est bien, parce qu'il y a eu, il y a eu une grande avancée, là aussi, par rapport à l'ordinateur. Hein. Avant, Christopher, il disait, je peux pas aller sur l'ordinateur, c'est à ma maman, elle veut pas que j'y touche et tout. Non, elle a pas dit ça, elle dit et que c'est... Et maintenant... Il a accès, donc bien. Ça, je trouve c'est bien. Parce que tu es grand quand même. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que ma mère m'a dit touche pas, je dis faut que tu fasses attention de ne pas toucher à l'ordi. Oui, bah oui, touche pas, c'est oui, pareil. C'est ce oui. que Corinne dit. Oui. Mais plus maintenant. Oui. Parce que tu es grand et raisonnable, je pense, Christopher. Oui, je dis si c'est moi, ça réserve un ordinateur. Bah voilà, tu lui dis, à l'IME, tu t'en sers. Bon, alors. Un ami, c'est quoi, Christopher? Oh, on peut changer la position, on peut changer. Bah non, parce qu'après, c'est Zinedine, donc j'aimerais que tu finisses. Oh, non, c'est bon, on change. Passe-moi tout. Ça t'embête, copain? Je comprends pas ce que tu dis, Christopher. Ça t'embête qu'on parle de ça? Non, non, ils ont changé là. T'as envie de changer. Bon, c'est bon, tu laisses le micro. Zinedine. Quoi? Alors déjà, tu enlèves les mains de devant ta bouche. Et les autres, on écoute, s'il vous plaît. Zinedine, est-ce que tu as des copains? Oui, Camille. Copine, alors, Camille. Oui. Camille, elle est convoitée, quand même, à l'IME. Oui. Alors, vas-y. Camille. Convoitée. Tu es souvent l'amie de quelqu'un, ça veut dire. Vas-y. Quoi? Qui encore? J'ai... Qui? Qui? Oui, t'es là, qui? Nicolas? Oui. Oui? Oui. Nicolas, c'est tout? Non. Ah ben, qui, alors? Pour, vous dire, quelqu'un des copains, voilà. Mais voilà. De toute façon, Zinedine, il est tellement jovial, il est copain avec tout le monde. Oui, toi aussi. Tous. Il n'a pas dit. Il a plein de... Ah, il l'a pas dit. T'as pas dit Gabriel, alors il n'est pas content. Oh, mais si, t'es copain. Eh, si, t'es un copain. Voilà, voilà. Tu vois, Gabriel, ça y est. Il l'a dit. Il avait fait un geste, il avait dit tout le monde. Ouais, dit tout. Alors, Zinedine, quand tu es triste... Ouais. Vers qui tu vas? Est-ce que tu as un copain ou une copine vers qui tu te tournes plus pour raconter? C'est quoi ça? Non, attends. Vers qui? À qui tu racontes? Mais t'es là, dis-moi. Je dis pas. Je comprends pas, là, avec les gestes, je peux pas comprendre, là, Zinedine. Quoi? À qui tu racontes tous tes soucis? Quoi? Comment? Et enlève les mains de devant ta bouche, Zinedine. Tu racontes à maman? Non. Oh bon, non. Non? Est-ce que tu racontes à tes frères? Non. Non. Est-ce que tu as une personne à l'IME vers qui tu vas pour raconter? Oui. Ah, qui? Est-ce que tu as un copain en particulier à qui tu te tournes pour raconter un peu... tout ce qui te chagrine. C'est lequel? Oui, là, c'est qui? Camille. C'est Camille. Les c'est vrai, Camille. Il te raconte? Il est triste, il te raconte? Oui. Bien, Camille. Camille. Deux fois à moi, des fois. Des non, fois un peu à moi. Il a dit Camille. Oui, des fois à moi. Aussi à toi. Oui, des fois un peu. Est-ce que tu racontes à Nicolas? Oui. Ah, oui. C'est bien, Zinedine, d'avoir choisi des personnes comme ça, à qui tu peux raconter. Bon, et ben voilà, merci Zinedine. Il va falloir clôturer, il est 59. Au revoir. Donc, 50... Oui, on va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Au revoir, des dingues, coucou. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au peu.